Chapitre 10. Sainte Pélagie. On a fait l'Anna Saint-Brun hier soir, entre camarades, avant de me conduire à Pélago. J'ai écrit deux articles chez les autres depuis que la rue est morte. Les deux tartines m'ont valu la prison. Je suis entrée un peu partie. On m'a cru malade et on m'a dépêché le pharmacien. Je me suis fâchée, un révolté, avoir recours à l'apothicaire. « Mais monsieur, a fait le Diaphorius, tout le monde se drogue ici. Pour le moment, le pavillon des princes est à ma merci. » C'est un rieur. Il m'a donné des détails. Le personnel des politiques est divisé en deux camps, ceux qui vont et ceux qui ne vont pas. Vous m'entendez? 89 va à peu près, 93 pas du tout, 1830 entre les deux. Il y a un ancien disciple de Pierre Leroux. Par exemple, je ne vous dis que ça. C'est qu'il touche juste le pharmacien et qu'il a mis le doigt où il fallait. Non, 93 ne va pas. Je vois tous les matins passer un homme qui porte comme un calice sous un linge une urne blanche. On dirait qu'il va dire une messe basse, mais il entr'ouvre une porte dérobée qui se referme sur lui hermétiquement. Quand il ressort, c'est si vite que je m'y perds et je puis à peine glisser sous la serviette un regard qui dévisage le récipient. Je ne reconnais pas le ventre ordinaire, la panse familiale. J'ai fini par soulever les voiles. L'une mystérieuse est un vase intime qui s'est grimé pour tromper le monde, un Thomas qui a pris des allures d'amphore. Mais le bout de l'oreille passe en un tuyau vert qui étrangle mes derniers doutes. D'ailleurs, l'homme s'est déboutonné, m'a dit tout et m'a tout montré. J'en prends un tous les jours depuis 30 ans et je m'en trouve bien, vous le voyez. Oui, seulement, pourquoi ne pas faire vider l'ostensoir par l'auxiliaire ? Il s'est redressé et me fixant d'un air courroucé, « Citoyen, dans une république telle que je la veux, chacun vide son pot. Il y a des corvées comme il y a des devoirs. »« Mais vous avez une tasse d'indiscipliné, un bénitier de ci-devant, vous trahissez ?»« Non, je suis centralisateur pour le fond et individualiste pour la forme. La giberne à tous, mais ronde ou ovale, au choix. » L'exercice du tuyau serait-il obligatoire? Ne plaisantez pas, jeune homme, je suis un vétéran. Vous êtes trop nouveau et pas assez mûr pour avoir le droit de peser mes actions. Je ne demande pas à peser. Trop nouveau? Pas assez mûr? Pas mûr encore pour le narguilé, non? Et pas fou des canules, l'ancien. Ne voudrait-il pas que j'en eusse une aussi et que je m'exécutasse le matin au commandement sur un ordre du comité du salut public? Artilleur, à vos pièces! Je suis un pur, dit-il toujours. Ah bien, s'il n'était pas pur après tant de coups de piston, je reste à cheval sur les principes. Il quitte bien les étriers une fois par jour au moins. Nos pères, c'est géant! Mon père était de taille moyenne, plutôt petit. Mon grand-père était appelé Bas du cul dans son village. Je n'ai pas de géant pour ancêtre. L'immortelle convention. Un tas de catholiques à rebours. Ne blasphémez pas. Et pourquoi donc? Est-ce que je n'ai pas le droit de jeter ma boule dans le jeu de quilles de vos dieux? Je croyais que vous étiez pour la liberté de penser et de parler et de sacriléger si ça me prenait. Allez-vous me percer la langue avec un fer rouge ou m'infliger le supplice de l'eau par la bouche avec ce petit outil-là si je demande pas grâce? Oh non, par exemple! Perra répond par un sourire amer et renforce sur ses oreilles un passe-montagne comme on en a pour gravir le Mont Blanc, lui qui est du Mont Aventin. Car il en est. C'est un grac, cet homme à la cuvette, à la seringue et au bonnet à mentonnière. Le disciple de Pierre Leroux s'en paye. Une légende courte sur lui. Quand Agrel a été dans un coin de France, membre de la société du Circulus, Chacun devait, pour la prospérité commune, fournir sa part d'engrais, coûte que coûte. L'humanitarisme le perdit. Il voulut faire du zèle, prit des herbes qui lui mirent le feu au corps et dut revenir à Paris pour tâcher d'enrayer. « Si encore quelqu'un en profitait, » dit-il parfois mélancoliquement. Il a, paraît-il, écrit à Hugo à propos du chapitre sur Cambronne dans Les Misérables. Hugo lui a répondu « Frère, l'idéal est double. Idéal pensée, idéal matière. Envolement de l'âme vers le sommet, chute de l'excrément vers le gouffre, gazouillement en haut, borborygme en bas, sublimité partout. Votre fécondité égale la mienne. Frère, c'est assez. Relevez-vous. » C'est moi qui ai signé Hugo et monté la blague, m'a dit un camarade. Sont-ils drôles tout de même? Ce circoulotin a été condamné comme gérant d'une feuille incendiaire. Je m'en doutais. L'autre est le rédacteur en chef du seul journal républicain qui ait pu venir au monde, avoir droit à la vie, trouver grâce devant l'empereur. Non pas que l'homme soit un courtisan et ait commis une lâcheté. Il est au contraire un raide et un inflexible. Mais à la manière des Jacobins. Et Napoléon sait bien que Robespierre est le frère aîné de Bonaparte et que quiconque défend la République au nom de l'autorité est un gribouille de l'Empire. Je puis m'isoler, heureusement. Au Petit Tombeau. J'habite le Petit Tombeau. C'est au haut de la prison, une chambre étroite et triste. Mais en grimpant sur la table, on arrive jusqu'à la fenêtre. Et de cette fenêtre, on voit la cime des arbres et une grande bande de ciel. Je passe des heures entières, la tête contre les barreaux, à humer la fraîcheur du vent ou à recevoir sur le front ma part de soleil. Cette solitude ne m'effraie pas. Souvent même, je plante là 89 et 93 pour me trouver simplement en face de moi et poursuivre ma pensée, blottie dans un coin de la cellule, ou baignant dans l'air libre au-delà de la croisée grillée. Cette captivité n'est point pour moi la servitude, c'est la liberté. En cette atmosphère de calme et d'isolement, je m'appartiens tout entier. Le club. Ce calme-là a été troublé parce que des vides se sont produits. J'ai été appelée à la chambre d'honneur qui a été envahie et que j'ai laissé envahir de bon cœur. Mon logis est devenu le salon, la salle à manger, la salle d'armes et le club de la prison. On en fait un tapage là-dedans. Mais le preux pour le boucan est hors de marque l'ancien collaborateur de Proudhon, le père Langlois. Nom de Dieu! Sacré nom de Dieu! Ah, c'est vous! Quel temps fait-il dehors? Quel temps? Il tape sur les meubles, roule des yeux féroces, chasse d'un coup de botte irrité une paire de pantoufles qui traînait près du lit. Quel temps ! Il fait très beau ! C'est avoué d'un ton furieux et menaçant. Sa main semble chercher le sabre, il a l'air de déchirer une cartouche en se mouchant, de porter une dépêche au général quand il part avec de vieux journaux dans ses doigts crispés, revenant quelquefois d'un bond, la figure contractée. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un. Au bout de 10 minutes qu'il est là, le chahut devient terrible. On monte sur les chaises, lui grimpe sur la table de nuit. C'est une pantomime et des cris d'hystériques. Nous ne sommes que des choses de chiens. Comment ? Moi, Vintra, j'hésite à pendre le gouverneur de la banque. On a donc parlé de le pendre? Ouais, ouais, et vous renaudez, nom de Dieu! Il a aujourd'hui envie de dresser une potence pour le détenteur du numéraire qui ne vit que sur son portefeuille. Le sale bougre! Il simule l'exécution. Il pend son mouchoir, se pend un peu lui-même, fait « couic » au grand moment, risque d'avaler sa langue, se décide à redescendre et se précipite de nouveau sur les chaussons avec une rage de jeune chien qui fait ses dents. « Mais il est ok, ce bonhomme !» dit Courbet, qui fume dans un coin. « Il parle de Perrudon ? Moi seul le connu. Il n'y avait que nous deux sans prêt en 48. Aïe ! Pourquoi que vous criez comme ça, nom d'un petit bonhomme ?»« Je ne crie pas. Je suis plus calme que vous, nom de Dieu. »« Nom de Dieu ! Sacré nom de Dieu !» Comique et assommant, ces visiteurs gueulards, ces détenus qui vont ou qui ne vont pas, des gens qui ont fait leur classe pourtant, des éduqués, des bourgeois. Quelquefois, un travailleur vient leur faire honte de leurs bêtises et refouler leurs bouillons pointus. Plus fort qu'eux, le manieur d'outils. Il a conquis un nom, ce taulin, dans les réunions publiques. Il est le chef moral de la classe ouvrière. Une face étroite, qu'allonge et amincit encore une longue barbe coupée ras sur les joues, œil vif et bouche fine, un beau front. Ils essayent un peu, lui aussi, comme Vermorel. Ambitieux, redoutable, ceux qui mâchent ou ont l'air de mâcher le caillou de Démosthène. C'est derrière des bégaiements d'enfants que s'embusque leur énergie d'homme d'action. Distingués, sous ses habits vulgaires. J'ai déjà vu un célèbre qui avait cette allure-là, le prêcheur blond de la Saint-Barthélemy de juin, celui qui, d'un geste bénin et avec du miel sur les lèvres, décréta le grand massacre de Falloux. Peut-être n'ont-ils pas le nez fait de la même façon, mais je rapproche leurs silhouettes dans le miroir parce que leurs aspects se dressent pareils devant moi et qu'ils ont la même élégance grêle, la même douceur d'accent, la même lueur de regard, ce noble et ce roturier. Il a la marche un peu balancée du plébéien, mais c'est exprès peut-être. S'il voulait, cela deviendrait la souplesse du gentilhomme. Avec son rire discret, son regard pointu, son profil aiguisé, sa barbe dont il affine les poils, il me semble ne songer qu'à crever l'atmosphère populaire et l'air sombre dans lequel il vit. Il cisèle avec patience l'outil de son ambition, ex-ciseleur qui a lâché ses outils de métier depuis longtemps. Il est même question d'ouvrir une souscription pour les faire repasser, tant ils sont rouillés, a dit un farceur d'atelier. Mais s'il a la peur du travail qui salit les mains, il n'a pas peur de l'étude solitaire, des longues veillées passées en tête-à-tête avec les pères de l'église économique et les pères de la révolte sociale. Il a acheté sur les quais Adam Smith et Jean-Baptiste Say, vendus aux bouquinistes par quelques bourgeois tombés, quelques déclassés descendus dans le ruisseau. Ils sont maintenant sur la table de l'artisan qui monte. Avec 4 ou 5 volumes de Proudhon, cela a fait le compte. Il a la pierre de touche de toutes les monnaies de métal et d'idées. Il deviendra un savant. Il l'est. C'est lui, le contremaître de l'atelier où se fabrique la révolution ouvrière. Il gagne sa vie comme employé chez un quincailler tout fier d'avoir pour commis un garçon qui en sait si long. Il a déjà un clan, ce plébéien émancipé. Un bûcheur, maçant pour de bon. Perrachon, qui, lui, n'a pas quitté l'établi, représente le labeur manuel dans ce ménage d'opinion. Il vénère à l'égal d'un dieu celui qui s'est fait teneur de livres et dévoreur de grimoires. Et il le copie, et il le singe, taillant sa barbe et ses cheveux tout pareils, boutonnant son paletot de même et plantant son chapeau à semblable inclinaison sur le front ou l'oreille. C'est encore, je me figure, une habileté de mon falot de faubourg, ce sosie. Avec les bretelles de son tablier de travail, Perrachon lit à son patron d'idées le peuple, qui sans cela se défierait peut-être de cette veste qui s'allonge en redingote. Pourvu qu'il ne coupe pas ce cordon-là un matin et qu'il ne lâche pas les blousiers comme il a lâché la blouse !